Le temps passe, et je me dis que la vie n'était peut-être pas faite pour toi. Putain, j'ai des doutes quant à cette réponse-là. Je voudrais garder mes frères pour toujours avec moi. Je suis qu'un lâche, mais j'exprime tout haut ce que l'on pense tout bas. La drogue a fondé son empire sur nos faiblesses, et elle nous vole le peu d'humanité qui nous reste. J'ai appris à appréhender la vie, armé d'un AK-47. Enfance des guerres, je rate pour les frères et sœurs qui se flinguent à l'éther. Esprit pécaire, j'exerce un art de rue trop souvent jugé sectaire. Pour tous les secteurs, de Mars à Bruxelles, je m'exerce à divulguer ma haine, ma peine et ma lumière sans gêne. Mes pros prolifèrent comme un virus, un vaccin, peu importe comment tu l'appelles, je fais appel au bon sens de l'être humain. Y'a plus de jeunesse, les minots deviennent adultes avant l'âge. Ça se tue à la colle, ça se flingue à l'alcool. Stone dès l'école, bad boy à la mode. L'espoir est mort, trop de haine dans le cœur. Il a laissé l'héroïne entrer dans ses veines, calmer sa douleur. Je pense à ce qu'il était et ce qu'il est devenu. La drogue a écarté l'espoir de sa vue. Cherche pas la tolérance, ici y'en a pas. Mentalité accro, la seringue dans le bras. Si tu cherches la délivrance, tu t'y perdras. Ça pue l'essence et les frères ont la dalle. Cherche pas la tolérance, ici y'en a pas. Mentalité accro, la seringue dans le bras. Si tu cherches la délivrance, tu t'y perdras. Ça pue l'essence et les frères ont la dalle. J'ai le cœur serré quand je pense à toi. Je rappe pour les frères sous terre et donc j'élève la voix. N'oublie pas, la vie c'est qu'elle est et devine ce qu'on en fait. Ne me parle pas de destin, rien n'est joué d'avance. Le châtiment n'est pas divin, on se l'inflige nous-mêmes. On vit, on meurt pour rien, est-ce le prix à payer pour nos erreurs passées? J'ai le cœur qui saigne. Les frères touchent à la drogue de plus en plus jeunes. Ne manque à remplacer la peur, prêt à dégainer une arme pour un brin de bonheur. Ce texte est pour Amy et tous ses fantômes. Peace man, repose en paix. J'ai lu dans tes yeux, c'est ce que tu voulais. À 25 piges, mourant, baignant la tête dans sa bile. Comment puis-je écarter cette vision de mon esprit? Cherche pas la tolérance, ici y'en a pas. Mentalité accro, la seringue dans le bras. Si tu cherches la délivrance, tu t'y perdras. Ça pue l'essence et les frères ont la dalle. Cherche pas la tolérance, ici y'en a pas. Mentalité accro, la seringue dans le bras. Si tu cherches la délivrance, tu t'y perdras. Ça pue l'essence et les frères ont la dalle. Cherche pas la tolérance, a pris ses clics et ses claques. Et le meilleur, c'est que l'intolérance a pris racine dans nos cœurs. Écœuré par ce monde où la drogue apparaît comme le meilleur moyen d'évasion. Au contraire, c'est une prison faite de chair et de sang. Elle s'empare de notre raison. Cherche pas.